T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, un événement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Welcome to Planet Indie. Nous sommes à l'épisode numéro 366. Nous sommes le samedi 7 novembre 2015. Et donc, comme chaque premier samedi du mois, nous partons à la découverte de la musique indépendante, de la musique alternative, et cela pendant 1h30. Donc, restez bien branchés. Attachez vos ceintures et on va commencer la programmation de ce soir tout de suite avec, pour une fois n'est pas coutume, place aux dames, honneur aux dames pour commencer. On va écouter Tiffany Huggins Grant avec Fighter. Et avant cela, elle a l'insigne privilège d'ouvrir le bal pour ce soir, on va dire. Selena Martin, c'est la première fois qu'on l'écoute dans cette émission. My Heart Ticks On. Bienvenue, restez avec nous, nous sommes ensemble jusque 18h30. And bones. Deux femmes qui savent donner de la voix quand il faut. On a commencé cette émission avec Selena Martin et My Heart Tixon, et puis à l'instant Tiffany Huggins Grant et le morceau Fighter. Comme vous l'avez certainement remarqué si vous avez pointé le bout de votre nez dehors aujourd'hui, il fait très beau, il fait très chaud. Eh bien, on va vous emmener aussi vers un pays où il fait chaud en ce moment, puisque c'est l'été là-bas, ils sont dans l'hémisphère sud, c'est au Brésil, et ils ne font pas que de la musique soleil, ils font aussi du pop-rock. Vous allez le découvrir tout de suite avec le groupe Sound Bullet, When It Goes Wrong. Quand tout va mal, bah, pour nous ça va plutôt bien, j'espère que pour vous aussi. Et puis après, on restera dans l'international avec Barry International et Gunslinger. C'est un titre un peu différent, vous allez voir, et puis on ira du côté du Canada avec le groupe D. Et No Earth Porn 2. Voilà, mais tout de suite direction Viva Brasil avec Sound Bullet, When It Goes Wrong. Il s'agit du Rock Fun Dance Mix du morceau Gunslinger. C'est sorti chez Barry International. Il fait plus de 8 minutes, donc on va pas l'écouter exactement en entier. Mais allez, encore quelques accords et puis après on passe au morceau suivant. Les Canadiens de D. Les Canadiens de D avec No Earth Point 2. Et puis après dire, on passera à la découverte de notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Il s'agit du groupe de Pink Dust. Et puis on salue nos amis du côté de l'Italie, nos amis du côté de San Francisco. Hello everyone. Allez, on poursuit avec les Canadiens. D. No Earth Point 2. Thank you. Voilà, c'était dit avec No Earth Point 2 avant cela, Barry International et Gunslinger. J'espère que vous appréciez la programmation de ce début d'émission. En tout cas, ça bouge pas mal, hein, ça bouge pas mal et ça va continuer avec notre powerplay aujourd'hui. Il s'agit de l'album éponyme du groupe The Pink Dust. Allez, je vais vous raconter un peu la vie du groupe qui se résume, enfin, avec un parallèle avec celle de Cliff Littlefield, hein, l'un de ses deux membres. Il a eu la gentillesse de m'envoyer une petite bio. Donc voilà, on va parcourir ça d'ici les prochaines minutes. Alors, comment ça s'est passé leur histoire ? L'ami Cliff, il adorait la musique et il avait toujours eu envie à l'époque, quand il était adolescent, eh bien, de quitter l'école et de jouer de la musique et de gagner sa vie en jouant de la musique. Bon, apparemment, ça ne s'est pas exactement passé comme il le voulait, mais il ne regrette quand même certainement pas cette expérience. Alors, il est retourné à l'école et puis finalement, il a suivi un parcours un peu plus traditionnel, on va dire. Il est retourné à l'école, il a eu son diplôme, il a eu un diplôme en finance et puis il en a passé un deuxième, bah oui, tant qu'à faire, un diplôme de droit et puis il s'est retrouvé en étant avocat, il s'est trouvé marié, il est retourné dans sa bonne vieille ville de Corpus Christi au Texas, avocat, marié, donc une vie bien rangée. Entre-temps, eh bien, il continuait à écouter de la musique, il ne pratiquait plus beaucoup, mais il écoutait encore beaucoup de musique et il est devenu un fan du groupe Mute Mart. Il les a vus plusieurs fois en concert, notamment à Houston pour leur Armistice Tour et puis à Austin, donc toujours au Texas, pour le Hot Soul Tour. Il a trouvé ça fantastique, génial. Ça l'a inspiré, du coup, eh bien, il est retourné à l'écriture et à la composition de nouvelles chansons. Dans ce groupe Mute Mat, il y a notamment un bassiste qui s'appelle Roy Mitchell Cardenas, qui est, lui est musicien professionnel, il tient son blog aussi, et puis il explique sur son blog qu'il peut aussi donner des cours de basse, mais dans la région de Miami, puisque c'est là qu'il vit, et que si quelqu'un était intéressé, eh bien, il n'avait qu'à lui envoyer un email. Voilà, on va s'arrêter là pour laisser un peu de suspense pour la suite et je vous propose d'en écouter un premier extrait de cet album éponyme de Pink Dust. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Forget Me Not. Je vous le rappelle qu'il s'appelle The Pink Dust. C'est notre album Powerplay dans Planète Indie aujourd'hui. Powerplay. Powerplay. Hey, this is Cliff of the Pink Dust, and you're listening to Planet Indie. Mood swings with tea. Stop this suffering. My so-called wheeze. I can hardly breathe, please help me, please. Thinking too much, mouth meets my foot. Time to retreat, no, no, no. Kiss me, forget me not. Love me, don't even knock. Chasing you around the town. Up and down my block. Love me, forget me not. Forget me not. Forget me not. One little thought I would have said, but it got caught. Hard to speak when you can't talk. Tried to find the words again. In my throat, a clever hymn. But simple truth is where you'll find it. Kiss me, forget me not. Love me, don't even knock. Chasing you around the town. Up and down my block. Love me, forget me not. Forget me not. Forget me not.

inside. Any hope of a life is all but died. Back from where I came, nothing changes, it always stays the same. Emptiness, bitterness, everything that I miss. Dans Planet Indie, eh bien, on va allègrement dans les genres musicaux. À l'instant, on écoutait un extrait du nouvel album de Kevin Sekani. L'album s'appelle Day and Dawn et le morceau c'était Burial Ground. Et avant cela, c'était une ode à Rita puisque c'était le titre de ce morceau de Billy Hector. Un morceau un peu plus bluesy. Si vous voulez voir ce que ça pourrait donner, un morceau de la. Allez, fête de la musique. Fête de la bière. À Munich, mais version Lazy Afternoon. Vous allez découvrir cela avec ce morceau, c'est leur nouveau single, Viva la Quinta Brigada. Voilà, c'est le groupe Lazy Afternoon. Ce sont, si je ne m'abuse, des Suédois ou des Norvégiens. Mais je pense qu'ils sont Suédois. C'est un peu particulier, vous allez voir. Et puis après cela, retour sur l'album de Pink Dust. L'album de Pink Dust. Before I saw the light of morning, the comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid it thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Fever. tutta la quinta brigata. Lo passerà le plecce dei maiden fai. Adelante se cry round the hillside. Let us all remember them tonight. Was a church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. Good side by side they fought and died in Spain. Tommy Woods, age 17, died in Cordoba. In Afia and I, he learned to hold his gun. From Dublin to Villa del Rio, where he fought and died beneath the Spanish sun. Viva la Quinta Brigada. No passerán le flechas de maiden fight. Adelante is a cry round the hillside. Let us all remember them tonight. Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspapers had the Duffy to enlist his fucking crew. The word came from a nude support the Nazis. The men of cloth failed yet again. When the bishop blessed the blue shirts in Dunleary, as I sail beneath the swastika of Spain. Viva la Quinta Brigada. No pasarán de flecha de maiden fight. Adelante is a cry round the hillside. Let us all remember them tonight. This song is a tribute to Frank Ryan, Kit Conway and Dinny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and New Bonner. The man he died, I can't but name a few. Donny Boy, Blazy Brown and Charles Connelly. Pam Tunin, Sonny and Strainley from the Falls. Jack Nalty, Tom Patton and Frank Conroy. Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada. No pasarán le flechas de maiden fight. Adelante se cry round the hillside. Let us all remember them tonight. Voilà, je vous avais dit que c'était un style un peu différent de ce qu'on passait d'habitude. Hein. Je vous rappelle leur nom au cas où. Il s'appelle le groupe Lazy Afternoon et le morceau c'était Viva la Quinta Brigada. Ça devrait vouloir dire Vive la 5ème Brigade, en tout cas j'imagine. Allez, 17h49, il est grand temps de retourner sur notre album Powerplay, l'album du groupe américain de Pink Dust. Je vous avais laissé tout à l'heure dans leur histoire au moment où l'ami Cliff avait découvert le blog et le site internet de Roy Mitchell Cardenas, le bassiste du groupe Mute Matt. Et puis dans lequel il avait écrit bien qu'il pouvait donner des leçons de basse aux gens qui étaient intéressés. Alors l'ami Cliff, il a un peu fouillé là-dedans, il s'est rendu compte que Roy et lui-même, ils avaient quand même pas mal de choses en commun. Enfin, quand on dit pas mal de choses, ils venaient tous les deux du Texas, du sud Texas. Ils avaient tous les deux été à l'école à la University of North Texas et ils avaient tous les deux poursuivi un cursus en droit. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Il s'est juste rendu compte de ça et puis après avoir bu un ou deux cocktails, il s'est dit, bah ça va, je vais lui écrire, c'est suffisant, on a assez en commun. Je vais lui écrire et je vais lui proposer qu'on fasse un groupe ensemble. Il faut savoir que Roy Milchez Cardenas, il n'est pas spécialement connu, mais c'est vraiment une rockstar. Hein. Là-bas, il est assez célèbre. Et Cliff, il se rend bien compte, enfin, il écrit dans sa bio qu'il se rend bien compte que l'idée était totalement folle, mais bon, il s'est dit pourquoi pas, je vais écrire. Et puis voilà, il envoie son petit email, rien ne se passe. Et puis, un beau jour, quelques semaines plus tard, Roy répond. Il lui demande d'envoyer quelque chose, des compositions. Voilà, et alors, à son grand étonnement, après avoir envoyé les chansons, Roy réécrit en disant qu'il a beaucoup aimé la chanson que Cliff lui a envoyée, mais sans prétention, hein, il avait juste envoyé comme ça. Et Roy cherchait justement un nouveau projet à produire. Donc, il a proposé à Cliff d'aller à Miami pour passer quelques jours en studio. Et voilà, c'est comme ça en gros que ça a commencé. Cliff s'est trouvé devant un dilemme. Hein. Il avait son métier d'avocat, il avait une vie assez confortable avec sa femme et leur chien. Et la question qui se posait, est-ce qu'il était prêt à sortir de sa zone de confort et essayer de poursuivre son rêve? Alors, eh bien la réponse est oui, évidemment, hein, puisqu'on écoute leur musique aujourd'hui. Donc, ils se sont rencontrés et ils ont partagé leur point de vue et puis ils se sont dit, eh ben voilà, on va faire un album ensemble. Son rêve était devenu réalité. Cet album, c'est celui qu'on découvre aujourd'hui dans Planet Indie, l'album de Pink Dust. Je vous ai mis une vidéo sur la page Facebook du groupe Planet Indie. Donc vous pouvez aller la voir. Nous, on va en écouter un autre extrait qui s'intitule Drowning in Sand. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. This is Cliff of the Pink Dust, and our favorite show in Europe for finding the best new artists is Planet Indie with Pierre Gerard. Trapped by inertia again, so little fair, take each choice only real. I guess in a mint will do. I can't pretend I'll get that far in my search for what's true. Can I run away with you? Drowning in sand. forget to pick you up. Now you're asking me for a lift. Looks like everyone is gone. How long? I've wanted to get you alone. Now I'm taking you home. All that is wrong could be right. Against the pavement below. You're the only beautiful thing in this town. Somehow I gotta let you know. Looks like now or never's here to stay. Sending you my way. Now I'm taking you home. Les frères Pinder Brothers, Driving You Home. Et avant cela, le groupe qui dépotait, eh bien, c'était les Machine Elves avec Mr. Nobody. On va se calmer un petit peu avec Aetopus, un morceau instrumental. C'est le tout nouvel album du groupe Aetopus. L'album s'appelle When. Bon, il n'y a plus rien d'autre à dire, hein. On les écoute. Thank you. propose de profiter de cette musique pour passer en revue en vitesse, parce qu'on n'est pas spécialement en avance aujourd'hui, la programmation de la Rocale d'ici le mois prochain. Il y a ce soir le warm-up pour le festival Sonic Visions qui se passera le week-end prochain, les 12, 13 et 14 novembre. Demain, Xutos en Pontapez. Le 20 novembre, Belle et Sébastien. Le 21, Alice on the Roof. Le 22, Maître Gims. Le 24, c'est Caspian. Le 25, Jane. Je ne sais pas si c'est bien comme ça qu'on prononce, mais... Le 27, le spectacle Imaginarium de David Goldrake. Le 27 aussi, mais dans le club, ce sera Saint-Germain. Le 28, Machine Gun Kelly au club. Et à la Rockal Box, à la même date du 28, ce sera le Flash Deep avec Diavner, Joris Delacroix, Synapson et Feder. Le 3 décembre, Raes Raymond. Et le 4, c'est le retour de Case Choice, tandis que le 5, ce sera le festival Greetings from Belgium avec Roscoe, Pan et ITIT Anita. Le reste, on verra au cours de notre prochaine émission. Prochaine émission qui se fera le samedi 5 décembre, à la veille de la Saint-Nicolas. Je vous rappelle donc que vous écoutez Planète Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur la fréquence de RGL. Nous sommes aussi rediffusés le dimanche qui suit, donc ce sera demain aux mêmes heures, 17h, 18h30. Et puis vous pourrez aussi retrouver le podcast de notre émission sur notre site internet. Vous mettez Planète Indie dans Google et vous nous trouverez. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on poursuit en musique parce que comme je vous le disais, on n'est pas spécialement en avance aujourd'hui avec... Mathieu Alpin, extrait de ton album Seeds. On écoute le morceau Carry On. There's nothing else to say, and there's nothing left to do. Psychobabble if you want, like it or not, it's all over. Carry on, carry on. It's the time of your life, time to leave the past behind. If you look back, all you'll see is fog. je vous rappelle son nom, on l'a déjà écouté, je pense, une fois, c'est donc la deuxième fois, c'était Mathieu Alpin avec Carrie, en extrait de son album Seeds. On va terminer l'histoire de Pink Dust. Je vous passe l'épisode dans lequel Cliff me raconte comment il a annoncé la nouvelle à ses assistantes quand elle les a emmenées une fois au restaurant et au cinéma, et puis il leur a expliqué tout ça. Il s'est rendu une deuxième fois à Miami pour enregistrer les parties vocales. Ça leur a pris 5 jours à raison de 12-14 heures par jour, mais ils y sont finalement arrivés. Et puis, en ce qui concerne le nom du groupe, parce qu'il a fallu trouver un nom pour ce groupe, il avait un ami qui lui avait proposé justement le Pink Dust. Il a inclus ça dans une liste de 10 noms qu'il avait préparé aussi, parce qu'il trouvait que Pink Dust était pas mal non plus. Il l'a envoyé à Roy, qui était donc toujours à Miami, et puis il lui a dit « on prend Pink Dust », comme par hasard un peu. Donc, c'est comme ça qu'il termine sa présentation en disant « oui, peut-être que tout était destiné à être ainsi ». Troisième extrait pour ce soir, l'album de Pink Dust, on écoute Out of My Mind. Je vous rappelle que c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, et puis leur site internet www.thepinkdust.com si je ne m'abuse. Voilà. Powerplay. Powerplay. Hi, this is Cliff of the Pink Dust, and you're listening to Planet Indie. Expect at all. Goddamn pusher man's gonna make me crawl. I'm down, pushed me right through a wall. I won't make you think it's wonderful. Somehow I'll get through and we'll win the war. I can't stop touching you like a wrecking ball. I come in a habit form. Feel me now. J'espère que vous avez aimé, c'était le Pink Dust avec Out of My Mind. On était tout à l'heure au Brésil, on était au Canada, on était aux États-Unis. Eh bien, on va aller maintenant du côté de l'Afrique du Sud. Bah oui, on voyage beaucoup, il y a de la musique et des artistes partout. Avec une nouveauté, il s'appelle Stanley Zive et son morceau s'intitule Lullaby. Et puis après, on écoutera une autre nouveauté, Hillbee, du côté français. Bon, ils chantent en anglais, mais ce sont des Français. Hillbee avec That Was on Tuesday. The night is quiet. The city is sleeping. No babies weeping. They're all tucked away. Dogs say good night. Tomcats turned in. All virtue and sin wrapped up for another day. Go to sleep. Go to sleep. Don't walk these halls alone. Diving in. C'était les Français de Hillbilly avec That Was On Tuesday. Avant cela, on était en Afrique du Sud avec Stanley Zive et son morceau Lullaby. Cette émission Planète Indie eh bien, touche tout doucement à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de ce soir. Je vous rappelle, nous sommes rediffusés demain entre 17h et 18h30. Notre prochaine émission, eh bien, ce sera le premier samedi de décembre, à savoir le 5 décembre, sur cette même fréquence. Que vous dire d'autre ? Eh bien, le podcast sera disponible sur notre site internet. Et puis, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon mois de novembre. J'espère vous retrouver nombreux le 5 décembre pour la prochaine émission. Et j'espère aussi que vous avez suivi notre conseil de l'émission du mois d'octobre, puisqu'on avait parlé du festival de Ciné East. J'espère que vous avez été le voir. Il y avait pas mal de bonnes choses à découvrir. On va se quitter avec une autre nouveauté. Il s'appelle The Beat Caroline. Et il nous interprète Ocean Drive. Voilà, rendez-vous dans un mois pour de nouvelles aventures. Et puis pour ceux qui voudraient réécouter l'émission, n'hésitez pas demain sur cette même fréquence. À bientôt, bonne soirée. After the whistling winds, after the white breast sounds touching.